Chapitre 51. Le lendemain du jour où Baccarat et le duc de Châtemailly avaient concerté ensemble ce plan de conduite si simple, qui consistait à attendre l'arrivée des deux pièces si importantes que possédait le vieux colonel de Hulan, et le retour du duc de Salandrera pour lui redemander officiellement la main de Mademoiselle Concepcion, l'homme aux cheveux blonds et à la polonaise à Brandebourg, cet homme mystérieux à qui Zampa s'était donné corps et âme, fumait tranquillement un cigare au coin du feu du petit salon de la rue de Suresnes. On sonna. Comme Rocambole avait congédié son valet de chambre, ou plutôt qu'il l'avait donné à M. Roland de Clayet, il alla lui-même ouvrir sa porte. Seulement, il eut la précaution de passer dans un petit cabinet qui tournait autour de l'escalier et dont la fenêtre donnait sur le palier. Avant d'ouvrir, il voulait voir à quel visiteur il avait affaire. Ce visiteur était Zampa. Rocambole lui ouvrit, verrouilla soigneusement sa porte quand il fut entré et le conduisit au fond de l'appartement. Zampa avait un air mystérieux et une fleur de sourire sur les lèvres. « Eh bien, » dit l'homme à la polonaise, Zampa s'assit. « J'ai du nouveau. » Rocambole tressaillit. « Ah, tu as du nouveau. Mais oui. Voyons. Vous savez que mon maître actuel, M. le duc de Châteaumailly, m'a pris les yeux fermés grâce à la lettre de Mademoiselle Concepcion. Je le sais. Et qu'il lui a suffi que j'eusse servi Don José pour qu'il m'accordât sa confiance. Parbleu, dit Rocambole. Or, depuis 3 jours que je suis à son service, j'ai si bien étudié le duc que maintenant je le sais par cœur. C'est ce que doit savoir un valet intelligent et ambitieux. Monsieur le duc, poursuivit Zampa, aime Mademoiselle Concepcion, c'est évident. Je le crois aussi. À la façon dont il m'a questionné sur l'hôtel Salandrera et les habitudes du duc et de la duchesse, le doute n'est plus permis. Mais comme il a été refusé, il doit être assez mélancolique. Il l'était. Il ne l'est donc plus? Non. Depuis quand? Depuis hier soir. Diable! Fit Rocambole. Je vous disais bien, continua Zampa, que j'avais du nouveau. Monsieur le duc a dîné à l'hôtel hier. Comme il s'apprêtait à sortir, on lui a porté un billet. De qui? De la comtesse Artoff, qui venait d'arriver. Et ce billet? Invitait le duc à se rendre sur le champ rue de la Pépinière. Cette invitation a bouleversé le duc et il a demandé sa voiture d'une voix émue, fiévreuse. Je l'ai habillé à la hâte et il est parti sans avoir songé à donner dans la glace un coup d'œil à son nœud de cravate. Rocambole se prit à sourire. Cependant, l'élève de Sir William s'était légèrement inquiet. « Après, » fit-il, « Monsieur le duc est revenu 2 heures après. » Poursuivit Zampa, et ce n'était plus le même homme. Il était visiblement agité, mais son agitation était joyeuse. « Ah, et sais-tu pourquoi ?»« Non. Mais nous le saurons probablement quand vous aurez ouvert cette lettre que le duc a écrite avant de se coucher et qu'il m'a chargé de porter chez la comtesse Artoff. Monsieur le duc dort encore, car il a passé la nuit à lire. « Et qu'a-t-il lu ?» demanda Rocambole, qui prit des mains du valet de chambre une lettre assez volumineuse. Un gros cahier de papier qu'il a soigneusement enfermé dans son secrétaire, et qui venait de chez la comtesse, c'est probable. Rocambole se mit alors à examiner la lettre que Zampa était chargé de porter rue de la Pépinière. Il était facile de deviner que cette lettre en renfermait une autre. Zampa tira de sa poche une montre. « Monsieur le duc, dit-il, m'a chargé en outre de porter sa montre chez l'horloger. Les breloques sont après. Parmi les breloques se trouve le cachet dont il s'est servi pour sceller sa lettre. « Tu es un valet intelligent, » dit Rocambole, charmé de la précaution. Puis il ouvrit un tiroir, il trouva une enveloppe de même grandeur que celle de la lettre, de la cire bleue de même nuance que la cire du cachet. Mais avant de rompre celui-ci, il examina fort attentivement l'écriture de la suscription. Après quoi il prit une plume, et sur l'enveloppe blanche, il copia textuellement ces mots « À Madame la Comtesse Artoff, en son hôtel, rue de la Pépinière. »« Tiens, » dit Zampa, « vous avez exactement l'écriture du duc, et il s'y tromperait bien certainement lui-même. »« J'ai toutes les écritures, » répondit Rocambole avec gravité, et il ajouta mentalement « Même celle de Mademoiselle Concepcion, ce qui m'a permis de te recommander sous son nom à Monsieur de Châteaumailly. » La nouvelle adresse écrite, l'élève de Sir Williams brisa sans façon le cachet de la lettre. Ainsi qu'il l'avait pensé, l'enveloppe renfermait d'abord un simple billet, puis une seconde lettre. Le billet était pour Baccarat. Rocambole le déplia et le trouva conçu en ces termes. « Chère comtesse, j'ai passé la nuit à lire et à relire ce curieux manuscrit qui vous a été remis par mon parent, le chevalier de Châteaumailly. et l'étrange histoire de ma famille va sans doute me faire faire des rêves plus étranges encore. Je vous écris à 4 heures du matin. Ce billet que mon valet de chambre vous portera vers 10 heures, ainsi que ma lettre au vieux colonel de Hulan. Ah, comtesse, comtesse, si, grâce à cette mystérieuse origine qui vient de m'être révélée, j'épouse Concepcion un jour, ne vous devrais-je pas mon bonheur tout entier? Quand j'y songe, j'ai le vertige et me sens devenir fou. Je vous baise les mains, duc de Châteaumailly. P.S. Je ferme ma lettre au colonel avec un simple pain à cacheter, car je suppose que vous lui écrivez aussi et que ma lettre sera contenue dans la vôtre. Oh, oh, murmura Rocambole. Voici un billet dont il me faut chercher le sens dans la seconde lettre, car, ma parole d'honneur, je n'y comprends absolument rien. Une bouilloire était placée devant le feu. Rocambole la mit sur les tisons ardents et 2 minutes après, l'eau en ébullition commença à soulever le couvercle. Alors, l'homme à la polonaise, usant d'un moyen bien connu, s'empara de la lettre adressée au colonel de Hulan et la plaça verticalement au-dessus de la vapeur. Le pain cacheté se gonfla à la vapeur humide et chaude qui se dégageait de la bouilloire. Il devint malléable et les bords du papier se décollèrent. Rocambole ouvrit la lettre et lut. « Mon cher cousin, ainsi donc nous ne sommes Châteaumailly que par le nom et le sang de Salandrera coule dans nos veines. » Cette première phrase fit faire à Rocambole un véritable soubresaut dans son fauteuil. Il crut avoir mal lu et subit les effets d'une hallucination, mais ce fut bien autre chose lorsqu'il eut continué par la phrase suivante. « Bien certainement le duc de Salandrera sera fort étonné quand il saura que nous sommes des Salandrera comme lui et que même nous pourrions revendiquer le titre de branche aînée. « Foi de duc, mon cher cousin, » continua à lire Rocambole, qui avait le vertige, « il ne faut rien moins que votre témoignage et la lecture de votre manuscrit pour que je puisse croire à cette histoire extraordinaire. Je vous avouerai que j'attends avec impatience cette lettre du duc Philippe de Salandrera, reconnaissant notre aïeul pour son fils, et la déclaration de l'évêque de Burgos confirmant la substitution de l'enfant. Si je n'aimais passionnément mademoiselle de Salandrera, j'imiterais notre aïeul. Mais l'amour est impérieux, et je vous supplie de m'envoyer les 2 pièces en question le plus tôt possible. » Suivaient quelques phrases banales. Rocambole était devenu fort pâle à la lecture de cette lettre, qui ne donnait pas la clé d'une énigme, mais la laissait pressentir. « Ah, morbleu, » murmura-t-il, « il me faut ce manuscrit dont parle le duc, il me le faut à tout prix. »« Vous l'aurez, » dit Zampa. « Quand ? Mais aujourd'hui même ?» Le duc va à la marche. Il est intéressé pour une forte somme dans les courses. « J'ai bien pensé que vous auriez besoin de ce manuscrit, et j'ai levé avec la cire les empreintes des serrures du secrétaire. Et vous voulez vous charger de faire faire les clés en mettant le prix ? Vous les aurez dans 2 heures. »« Très bien, » dit Rocambole, qui prit les 2 empreintes et les examina. « Voici 10 louis. Tu te rendras rue de Lappe, dans le faubourg Saint-Antoine, au numéro 67, et tu trouveras au 4e étage, à gauche de l'escalier, une petite porte sur laquelle se trouve une plaque en cuivre avec ces mots. « Serrurerie en vieux. » Tu frapperas, un homme viendra t'ouvrir et tu lui diras « Faites-vous les clés de Saint-Louis ?»« Certainement, » te répondra-t-il. « Tu lui donneras tes empreintes et tu auras du malheur s'il n'a pas, toutes faites, les clés dont nous avons besoin. »« C'est bien, j'irai en sortant de chez la comtesse. » Rocambole recacheta soigneusement les 2 lettres, rendit le cachet à Zampa et lui dit « Je t'attendrai ici à 2 heures. » Zampa s'en alla chez la comtesse Artoff, remit la lettre de son maître, puis monta dans une voiture de place et se fit conduire bon train rue de Lappe. Le serrurier envieux, à qui l'homme à la polonaise envoyait Zampa, était, on s'en souvient, un des héros des valets de cœur. C'était lui qui avait forgé et limé toutes les fausses clés dont l'association avait eu besoin. Le club dissous, le serrurier avait continué son honnête petit commerce pour son compte. Le marquis de Chamery s'en était assuré à son retour à Paris, sans toutefois se montrer et se faire reconnaître. Le serrurier répondit affirmativement à la question qui lui fut posée par Zampa, et comme l'avait pressenti Rocambole, il lui trouva 2 clés à trèfle qui se rapportaient exactement aux empreintes. Zampa donna 10 louis et les emporta. Moins d'une heure après, il pénétrait dans la chambre de son maître et l'éveillait. Monsieur de Châteaumailly avait rêvé de Concepcion toute la nuit, et comme Rocambole, il avait entrevu un coin du manteau de Grande-Espagne, ce manteau que le duc de Salandrera voulait transmettre à son gendre. Il s'éveilla donc en belle humeur et comme le soleil de mai éclairait la chambre à coucher, il fit une toilette printanière, s'affubla du voile vert des sportsmen et monta dans une voiture de course à 4 chevaux qu'il conduisit lui-même à grande guide. Le duc, pour obéir à la mode, allait rêver de ses amours sur le turf de la marche. Le duc parti, Zampa ouvrit le secrétaire, y prit le manuscrit et l'apporta rue de Suresne, où Rocambeau l'attendait avec une vive impatience. Une heure après, le marquis de Chamerie se trouvait au deuxième étage de son hôtel rue de Verneuil, chez l'aveugle Sir Williams, à qui il venait de raconter la teneur du manuscrit tracé de la main du colonel de Hunan, le chevalier de Château-Mailly. Zampa, on le devine, s'était empressé de le réintégrer dans le secrétaire du duc. « Eh bien, mon oncle, dit-il, lorsque Sir William sut gravement écouter jusqu'au bout, que penses-tu de cela ?»« Je pense, écrivait Sir William sur son ardoise, qu'il y a 9 chances sur 10 que le duc de Château-Mailly épousera Mademoiselle Concepcion de Salandrera. » »« Ne dis pas cela, mon oncle, s'écria Rocambole, je serais capable de t'étouffer. » L'aveugle laissa glisser un sourire plein de bonhomie sur les lèvres muettes, puis il haussa légèrement les épaules, puis il écrivit. Pour que cela ne soit pas, il faut d'abord que Baccarat se trouve dans l'impossibilité de s'occuper du duc. Il faut donc précipiter la petite comédie que nous avons imaginée. On ira vite en besogne, dit Rocambole. Vous pouvez y compter, mon oncle. Il faut ensuite, écrivit l'aveugle, que le comte ne meure pas. Qui ? Le comte Artof ? Oui. Pourquoi ? Parce que le comte mort, c'est-à-dire tué en duel par Roland de Clayet, la comtesse le pleurera et, pour distraire sa douleur, s'occupera de monsieur de Château-Mailly. « Ah ça, dit Rocambole, je ne vois plus à quoi sert la comédie. Tu le verras. Quand ? Le jour du duel du comte avec Roland. » Rocambole regarda attentivement et presque avec défiance Sir Williams. « Mon oncle, lui dit-il, je crois que la douleur et les chagrins vous font perdre la tête. » L'aveugle haussa de nouveau les épaules et son sourire moqueur vint prouver à Rocambole qu'il avait conservé toute sa maligne intelligence. Il reprit son ardoise et écrivit. « Mon neveu, vous êtes un sot. Pourquoi ? Parce qu'avec vous, il faut toujours mettre les points sur les i. Ma foi, dit Rocambole, si le comte ne doit pas être tué, il ne le sera pas. À quoi bon le faire battre ? C'est nécessaire. Est-ce pour tuer Roland ? L'aveugle secoua la tête. « J'ai imaginé beaucoup mieux. » Continua-t-il d'écrire, le comte deviendra fou. Quand ? Sur le terrain. Si vous parvenez à ce résultat, dit Rocambole, c'est que le diable vous aura donné une recette. Je l'ai. Peut-on la connaître ? Non, fit l'aveugle d'un signe de tête, et il ajouta sur son ardoise, on vous dira cela plus tard, mon neveu. Bien, murmura Rocambole, à qui sa foi profonde en Sir William s'était revenue. Est-ce tout ? Non, fit l'aveugle, et Sir William s'écrivit encore. La comtesse Artof a envoyé, c'est probable, un messager à Odessa. Le messager ira à Franquetrier, sera 10 jours en route, se reposera 24 heures et repartira. Il sera donc de retour avant un mois. Quand il arrivera, la comtesse aura bien autre chose à faire qu'à songer à un Château-Mailly, si son mari est fou, s'il est aux 3/4 perdu de réputation. Mais elle enverra le messager à monsieur de Château-Mailly. Diable ! Armé de ces 2 pièces, qui doivent décider le duc de Salandrera à faire de lui son gendre, M. de Château-Mailly n'aura plus besoin de personne. Il sera donc nécessaire de les supprimer. « Mon oncle, interrompit Rocambole, pour supprimer les 2 pièces, il faudra peut-être supprimer le messager, et c'est une besogne qui répugne quelque peu au marquis de Chamerie. » Sir William eut un geste d'impatience. « On trouvera quelqu'un, répondit-il avec son ardoise. Zampa, par exemple. » Puis il ajouta, les 2 pièces supprimées, on ne supprimera pas la parole d'honneur de M. de Château-Mailly. Le témoignage du colonel, enfin, la situation sociale, la grande fortune et le titre de duc de ce prétendant. C'est juste, murmura Rocambole, qui vit les obstacles se multiplier. Que faire alors ? Supprimer le duc ? Le marquis de Chamerie fit un soubresaut sur son fauteuil. Mais vous voulez donc m'envoyer au bagne, cher oncle ? S'écria-t-il. Sir William s'était en veine de sarcasme et de belle humeur. Rocambole vit cette réponse se dérouler sur l'ardoise. Il y a longtemps que vous devriez y être, mon cher enfant. Vieille canaille, murmura Rocambole en riant. Si j'y étais, je ne voudrais pas de toi pour compagnon de chaîne. Tu es laid à faire peur. L'aveugle ne sourcilla point, mais son crayon traça ces mots. Le marquis de Chamerie n'a pas plus de pénétration que le vicomte de Cambole, et il fera bien de s'en rapporter à son bon oncle Sir Williams. pour aller au bagne, non, pour mener à bien toute cette affaire et le conduire au pied des autels où il épousera Concepcion. Le dénouement est joli. Seulement, il faut que l'étourdi se contente d'obéir et ne m'interroge pas. Soit, que dois-je faire? Aller chez Rebecca et lui dicter le billet suivant. Mon Roland bien-aimé. Hélas, je ne suis pas libre ce soir, mais demain, soyez chez vous à 5 heures précises. Vous me verrez et je vous donnerai une heure tout entière. Celle qui vous aime. Est-ce tout? Oui, pour le moment. Allez, mon neveu. Et Sir Williams, l'aveugle et le mutilé, redevenu la forte tête qui dirigeait les valets de cœur, congédia son élève d'un geste plein de dignité. Rocambole demanda son coupé et se fit conduire à Passy, rue de la Pompe, où la fausse comtesse Artoff attendait ses ordres.